Jacqueline! Jacqueline! Ouh! Piou, piou! Piou, piou! Jacqueline! Jacqueline! Chut! Ne fais pas comme ça, Alberto. Pourrais nous entendre. Nous ne sommes pas si loin de la ville, hein. Mais quoi? Tu me comprends mieux, là? Faut pas mettre sa main devant la bouche des gens quand ils parlent, parce que sinon, tu comprends pas ce qu'ils disent. C'était juste pour que tu arrêtes de crier. Pourquoi t'es sortie de la maison? Je t'avais dit que je ne tarderais pas. J'avais peur tout seul. Et puis j'avais faim. Et qu'est-ce que tu faisais? Je cueillais des baies pour toi, Alberto. Des baies comme jamais tu n'as pu en manger au centre de détention. Si, j'en ai mangé des baies, même que c'était bon. Mais non, Alberto. Je te parle pas des chèvres, mais des baies. Des baies sauvages. Ah, ok. Bon, tiens, prends déjà ce sac que j'ai rempli et retourne à la cabane. On va être obligé de se cacher dans la forêt pendant encore longtemps, parce que moi j'aime pas. Y a des loups. Faut pas y aller dans la forêt, qu'on me disait quand j'étais petit. Puis en plus ici, je veux pas prendre de douche. On reste ici pendant un petit moment encore, Alberto. C'est ce qui s'appelle se mettre au vert. Bon, rentre. Faut que je me dépêche. Je dois être dans une heure au centre de détention pour faire le ménage. Je dois garder ma couverture pendant un certain temps encore. Bon, d'accord. Mais quand je rêvais de m'évader de la prison, j'étais loin de me douter que ça allait être comme ça, hein. Aussi loin que je m'en souvienne, Alberto, les évasions à Bitbourg se sont toujours passées comme ça. Faut avancer pour là-bas. Le chemin tout guisé par Binyu, boy, boy, la marine. Excusez-moi, vieil homme. Pour qui t'es, cousin? Que tu vois, toi? Hein? Que tu vois? Pardon, j'ai du mal à comprendre. Pourriez-vous m'indiquer l'hôpital de Bitbourg, s'il vous plaît? Ah, hôpital? Pas là-bas, hôpital. Pas là-bas qu'il faut repartir. Par là-bas? Pas là-bas! C'est pas par là-bas? Pas là-bas! C'est par là-bas ou par là-bas? Pas là-bas! Ah, d'accord. Je pense que je vais réussir à trouver tout seul. Merci quand même. Pour des raisons de budget, cet épisode sera entièrement joué en patagonais et par une seule et même personne. Veuillez nous en excuser. Vincenzo. Oh, Rebecca. Oh, Rebecca. Te lo sento, ma grosso dardo? Rebecca. Oh, si. Lo sento ancora plutôt forte. Forte. Vincenzo. Tu emo? Ancora? Rebecca. Si, mas forte. Carola. Perdoname. Puedo entrar dans la chambre? Rebecca. Oh si, Carola. Vienda conmigo y embrasa mi pieda. Carola. Ah, salopa. Tu es masa. Rebecca. Si, mas forte. El reparador. Escúchame. Yo está el reparador de la máquina a laver el lingo. Me puedo tú reparar dans ta mesona? Oh, todo el mundo es totalmente sans vestimenta. Vincenzo. Hola, el reparador de máquina a laver. ¿Tú es mon cuerpo? Carola. Vienda, reparador. Vienda a hacer la fiesta con nosotros. Vienda a hacer el sexo. Rebecca. Sí, más fuerte. El reparador. Ma qué grosse poitrine. Veuillez nous excuser. Nous avons réussi à trouver des fonds. Cet épisode de Aussi loin que s'en souviennent les lilas va pouvoir reprendre son cheminement habituel. Veuillez encore nous excuser. Et vite, dépêche-toi, les flics rappliquent! Très bien, j'arrive tout de suite. Nous vous souhaitons un très bon épisode de Aussi loin que s'en souviennent les lilas. Ici, c'est comme au 08 30 45 22 22 22. Mon Dieu, Carole, tout est trop drôle! Tout est vraiment trop drôle! Il me fait des sous! Ah ouais, t'es super. Ouais, bah te fais pas trop dessus quand même, hein. Va pas abîmer mes tabourets de bar, parce qu'ici c'est pas comme au 04 14 15 26 40. Écoutez, c'est l'heure des news. C'est l'heure des news sur BBFM. C'est l'heure des news. Et oui, c'est l'heure des news sur BBFM. Alberto Larré toujours en fuite, le détenu du centre de détention Jacqueline Moubillard n'a toujours pas été retrouvé malgré les 20 équelles à poil roux lancés sur ses traces. Monsieur le maire espère toujours qu'Alberto Larré regagne sa cellule. Si tu ne reviens pas à Bitbourg, Alberto, c'est que tu n'as pas de couilles, aurait-il déclaré aujourd'hui. Et puis une nouvelle de la charmante ville de Montcuq, dont les maçons ont construit notre charmant nouvel hôtel à la Belle Étoile. D'après le maire de Montcuq, depuis leur passage à Bitbourg, les maçons seraient victimes d'une épidémie de diarrhée, de la diarrhée météorite comme on l'appelle. Eh bien, ils auront travaillé pour le faire cet hôtel, ils auront souffert ces petits gars-là. Ouais, et Alberto qui court toujours aussi. Ça c'est beaucoup moins chouette. Parce que vous trouvez ça chouette, vous, des gens qu'on la dirait? Oh, monsieur Vincent, mademoiselle Rebecca, bonjour, bien dormi? Non. Ça fait une semaine qu'il dort pas bien. Vous savez, depuis le coup de la chambre 203 qui, d'après lui, renfermait un grand mystère. Ah oui, et en fait, il y avait un petit nain. Un nain? On dit un nain! Putain, un petit nain, c'est un pléonasme. Bon, ils peuvent avoir la maladie qu'ils veulent, les petits nains. Moi, c'est pas mon problème, hein. Je vous sers quelque chose pour vos petits-déj? Un café bien noir. Un crème. Très bien, et le café noir, avec ou sans crème? Bah, sans. Et la crème, avec ou sans café? Bah, avec. Ça roule, ça marche, ça vient. Rebecca, cette ville commence à me pomper le popole grave. Vincent, enfin voyons. Et puis ton monsieur Dumbo est toujours malade. Comment voudrais-tu qu'on fasse des choses avec? Quoi? Monsieur Dumbo malade? C'est un secret, Rebecca. Ma maladie était censée rester un secret dans cette ville. Rappelle-toi pourquoi nous sommes venus à Bitbourg. Juste pour que je guérisse, pas pour que tout le monde sache que je suis malade. Moi aussi, j'ai une fierté. Bah, tout le monde le savait, Vincent. Bah non, nous on n'était pas au courant. La honte! Bonjour, je suis le docteur Dumbo. Je cherche l'hôpital de Bitbourg. J'ai rendez-vous avec le docteur Paolo Bodomi. L'hôpital? C'est tout droit sur la grande route. Vous suivez les panneaux, mais attention, suivez-les à l'envers. Ils ont été montés à l'envers, alors faut pas aller dans la direction qu'ils indiquent, mais dans le sens contraire. Très bien. Merci. Un docteur qui a rendez-vous avec un autre docteur? Vous trouvez pas ça bizarre, vous? Oh non, c'est reparti. Vincent, cette ville est normale. Tout ce qu'il y a de plus normal. Bah oui, monsieur Vincent, enfin, ici c'est pas comme le 02 40 42 53 88. Tu trouves ça normal, toi? Ou c'est juste moi qui pète un câble? Oh, tu sais, l'humour, c'est une question de goût. Tout à fait. C'est pour cela que la pause musicale vous donne l'occasion de vous détendre et éventuellement de réfléchir sur la qualité humoristique du feuilleton aussi loin que s'en souviennent les lilas. Nous vous rappelons qu'il est fortement déconseillé de changer de station car... Et merde, trop tard. On s'est encore fait avoir. S'il reste quelqu'un, je vous en prie, appelez-moi au 02 42 09 12. Pour des raisons de budget, nous vous informons que le docteur Paolo Bodomi sera joué dans cet épisode par un acteur allemand du Sud. Mon Dieu, est-ce qu'il est mort? Son cœur ne bat plus, docteur. Ça veut dire qu'il est mort, hein, c'est ça? Le cœur, ça se trouve où déjà? En bas? Oh, docteur, si ça c'était un cœur, je peux vous dire qu'à part celui de mon oncle, je n'en ai jamais vu d'aussi gros. Ah, c'est pas ça donc? Mais il est mort? J'ai encore fait une connerie là, je crois. Merde, je vais encore devoir m'excuser auprès de la famille. Son cœur se remet à pattes, docteur, il n'est pas mort. Vite, vite, il faut l'intuber. Donnez-moi ça, Jennifer. Non, docteur, non, non. Je crois que là, il est mort, docteur. Ah, j'aurais peut-être pas dû retirer cette chose. Et puis, oh merde, j'ai taché ma Rolex. Moi qui ai un golf à 6 heures, faut que je sois propre. Votre attention, s'il vous plaît. Le docteur Paolo Bodomi est demandé à l'accueil. Le docteur Paolo Bodomi est demandé à l'accueil. Ah, c'est moi. Bon, je vais y aller donc. Voilà, ça je le pose là, c'est ça, et ça je le mets là, hein, c'est bien ça? Ah non, docteur, le scalpel ne se range toujours pas dans le rectum du patient. Ah, c'est dans le plateau en fer alors qu'on met les ustensiles de chirurgie. Le terme le plus approprié serait instrument, docteur, et non pas ustensile. Très bien, bon. Rendons-nous à l'accueil alors. Nous rappelons à nos aimables clients que les ambulances en provenance des accidents de la route et des accidents ménagers ne desservent pas les services de chirurgie esthétique, de gastrologie, de chirurgie dentaire et de podologie. Le docteur Cross est demandé en pédiatrie. Nous rappelons au docteur Cross qu'il est interdit de toucher les enfants, car c'est mal. Ah bon? C'est mal? Je sais, mon oncle, ça l'a étonné quand le juge lui a dit ça. Tout à fait, je suis docteur de père en fils. Ma spécialité, c'est le syndrome de Monsieur Dumbo, un cas unique d'impuissance aiguë, encore inexpliqué et inexplicable à ce jour. Mais je pense avoir trouvé la solution à ce problème, puisque j'ai réussi à guérir déjà 1000 de mes 1002 patients. Et vous, jeune femme, êtes-vous une infirmière de talent ? Bon, vous direz peut-être pas comme ça, mais je suis pas infirmière, je suis infirmier. Mais vous avez la peau si fine, le cheveu si soyeux, les yeux si brillants d'intelligence juvénile. C'est parce que ma mère m'a nourri aux hormones. Autant que je m'en souvienne, ma mère m'a toujours nourri aux hormones féminines. Comme c'est étrange. Et comment ? Paolo ! Paolo, vieille branche, comment vas-tu ? Ah, Dumbo ! Chirurg Dumbo ! De l'école de la médecine ! Que viens-tu donc faire à Pittsburgh ? Te rendre visite. Je pense avoir trouvé le remède à cette maladie que j'ai moi-même découvert et que j'ai modestement appelé le syndrome de Monsieur Dumbo. Mais... qui est cette charmante demoiselle ? Je m'appelle Jennifer. Permettez que je vous baise la main ? Oh, vous savez, mon père me demandait même pas la permission. Oh, pauvre petite. Comme votre enfance a dû être dure. Oui, bon, ça va, c'est mon infirmière. T'as qu'à t'en trouver une d'infirmière pour toi tout seul, hein ? Docteur, vous êtes beau quand vous êtes jaloux. Ne te fâche pas, Paolo, ne te fâche pas, je plaisantais. Tu as fini ton travail ? Parce que je vous proposerais bien, tous les deux, de boire un verre quelque part. Comme ça, tu me feras visiter cette charmante ville qu'habite Bourg. Ouais, on va se boire un petit verre de schnapps. Dis-moi, est-ce que tu sais si dans cette ville, quelqu'un serait victime de la maladie de Monsieur Dumbo pour que je puisse certifier mon remède, tu vois ? Il ne me manque plus qu'un malade à guérir pour que l'ordre des médecins approuve mon nouveau médicament et je pensais peut-être... Salut là-dedans. Bonjour Monsieur Mato, comment c'est-il que ça va aujourd'hui ? Bof, je me sens pas si en forme que ça depuis l'évasion d'Alberto Abdul. Je me sens seul, je me sens sale. Aussi sale qu'un petit Brésilien qui se jetterait dans la boue pour ramasser un bout de pain qu'un riche aurait lancé ou déboté. Oh quoi, Monsieur Maton ? Je ne sais pas, je ne sais plus. Vous avez de la drogue, un truc fort, assez fort pour que j'oublie ma peine au travers d'un liquide qui coulerait dans mes veines. La tristesse vous rend poète, Monsieur Maton. Et comment Monsieur le directeur prend la chose ? Il pleure jour et nuit. L'autre jour, il a essayé de se pendre avec un lacet. Et les lacets ont cassé ? Non, il avait oublié de les enlever de ses chaussures, il s'est démis l'hanche. Comme tout ceci est bien triste, Monsieur Maton, bien triste. Ce qui est encore plus triste, c'est que je ne vends pas de drogue. Comment ? Autant que je m'en souvienne, à Pittsburgh, la drogue a toujours été prohibée, Monsieur Maton. Et je ne suis qu'un modeste épicier qui, oh joie des étoiles, vend de la bonne nourriture aux bonnes gens de notre charmante ville. Bon, eh bien... Peut-être que je peux faire quelque chose pour vous. Un truc bien fort, vous disiez ? Voilà. Ne me remerciez pas, c'est de bon cœur. C'est quoi ? On dirait comme une grosse courge, bien grosse et grasse, qui aurait été dopée aux hormones de mammouth. Ce sont des éléments de ma composition. Ça ressemble effectivement à une grosse courge poilue, mais en fait, c'est un kiwi de derrière mes fagots. Un kiwi ? Vous les faites apporter ? Non, je les range vraiment derrière mes fagots. Ça fait 10 ans que je les garde. Ils ont eu le temps de mûrir et je suis certain que bon nombre de gros rongeurs ont eu la prestance d'y faire leur nid. C'est ainsi que les kiwis deviennent hallucinogènes. Eh bien, je vais tester. Combien vous dois-je ? C'est offert de bon cœur. Merci, mais c'est normal cette odeur? C'est un kiwi, monsieur Maton. Un kiwi magique. Tout à fait, un kiwi magique. Enfin, voyons, j'ai quand même construit un hôtel, bon sang de fer. Bon sang de bois, monsieur le maire. Oh, ne m'insultez pas, monsieur son conseil. Calmez-vous, oh, calmez-vous, ou je vous retire vos verres et je vous fous à la porte de mon bar. Ah ouais? Et c'est vous qui l'avez construit tout seul, cet hôtel, avec vos petits doigts boudinés? Vincent, arrête! Quoi, arrête? Quoi, arrête? Il se passe que des trucs bizarres dans cette ville, là. Je suis seul à les voir, hein, c'est ça? Personne n'a suivi ce que j'ai dit, hein. Bon, à vrai dire... Moi, j'ai compris un mot sur deux. Ça va? Tout le monde s'est calmé, là? Je peux vous remettre vos verres sur le comptoir? Parce qu'ici, on n'est pas au 04 85 68 90 02. Oh, enfin, c'est bon de frire parfois. Merci, Carole. Vincent, je ne vous en veux pas de douter de moi. Tout le monde peut se tromper. Et autant qu'on s'en souvienne, monsieur le maire a toujours été maire de Bitbourg. C'est bien ce que je vous reproche. Quand Mathilde est arrivée... Souvenez-vous, c'était dans l'épisode 5, où monsieur son conseil se déguise en Mathilde et... Oh, ça va, maintenant tu vires la bof. Pardon, je... Pardon, c'est sorti tout seul. C'était au fond de moi depuis longtemps et... Non, ça arrive, c'est humain. Tu disais, Vincent? Oui, quand Mathilde est arrivée, j'espérais avoir la preuve d'un semblant de démocratie ici à Bitbourg. Mais là, il n'y a plus qu'un seul candidat pour les municipales et je trouve cela grotesque. Mais qu'avez-vous à reprocher à monsieur le maire, monsieur David? Merci de prendre ma défense, monsieur son conseil. Moi aussi, je vous aime. Eh bien, monsieur le maire est un incompétent, voilà. Oh, c'en est trop, je m'en vais. Je me sens insulté. Il m'arrive peut-être d'avoir des gaz de temps en temps, mais de là à ce qu'on me traite de con. La comédie a assez duré, monsieur David, et elle tombe au mauvais moment. Notre prisonnier s'est évadé, et puis à quoi ça sert de vous expliquer quelque chose, hein? Je m'en vais. Ah, vous pouvez être fier de vous, monsieur David. Maintenant, il va pleurer comme une petite fille. Oh, une si grosse carrure pour une si grosse sensibilité. C'est mignon. Bon, il faut que j'aille le consoler. Il va encore se moucher dans ma cravate. C'est dommage. Une si belle cravate. Je te félicite pas, mon grand. Oh, ça va. Je l'admets, je me suis peut-être un peu emporté. C'est que l'histoire de ce docteur qui vient voir un docteur, ça m'inquiète. Pourquoi un docteur vient à Bitbourg pour consulter le docteur Paolo Bottomi? Ça m'intrigue. En tout cas, vous l'avez fâché, le maire. Il est parti pas gentil, là. Non, mais c'est vrai, ça. Un seul candidat, je trouve ça crétin. Je devrais me présenter, tiens. Rien que pour lui faire la nique et... Oh, mais oui. Je vais me présenter au municipal. Voilà l'idée. Comme ça, fini les conspirations, fini et... Tu rigoles, Vincent? Tu nous fais marcher? Non. Finissez votre bière, Vincent. Je vous en sers une autre. Je vais vous faire boire, moi. Après, vous allez vomir vos sales idées. Ouais, je vois que ça sert à rien de discuter avec vous, Carole. Bonjour, bonjour. Qu'est-ce que je vous sers? Trois. On se met à cette table? Très bien, je vous apporte ça tout de suite. Quand on parle du loup, on en voit la queue. C'est vrai, il a la braguette ouverte et il a même pas remarqué. Ah, on a qu'à s'asseoir là. Ça me plaît. Moi aussi, je prends la banquette. Oh. Permettez que je me mette à côté de vous, Jennifer. Et moi? Prends la chaise, Paolo, prends la chaise. Eh ben, si je voulais la banquette? Oh, monsieur Dumbo, qu'est-ce donc là? Votre main? Tu seras beaucoup mieux sur la chaise, Paolo. Jennifer. Oh, monsieur Dumbo, arrêtez. Je ne suis qu'une perle d'amour, fillette. Jennifer. Vous avez de si belles mains. Vous devrez être un chirurgien très reconnu. Je suis le seul à connaître le remède pour guérir la maladie de monsieur Dumbo. J'espère trouver rapidement mon dernier patient à guérir pour valider mon brevet. Car si je meurs, mon remède part avec moi et tous les malades de la maladie de monsieur Dumbo dans le monde entier perdraient le seul espoir de guérison. Oh, il faut vite le faire breveter alors. Mais ce n'est pas par là qu'on brevette les remèdes, monsieur Dumbo. Jennifer! Qu'y a-t-il, docteur Bottomi? Vous voulez que j'aille vous chercher des cacahuètes? Vous savez, celles que vous aimez tant. Oui, oui, faites donc, docteur. Bon. J'y fais alors. Alors, docteur Bottomi, la santé, ça va? Bonjour, docteur. Carole, madame Rebecca, monsieur Thins, votre tête va mieux? Depuis que vous m'avez opéré? Ouais, je capte en moyenne et grandes ondes, c'est bien. Contentez-vous par là? Souvenez-vous, dans l'épisode... Oh, pardon, je suis vraiment malade. Je... Il faut que je vous laisse. Oui, donc, contentez-vous par là. Non, non, rien, c'est qui le docteur là-bas, un ami à vous? Non, ce n'est ni mon ami, ni mon amant, ni l'amant de qui que ce soit ici. Il a l'air de bien aimer votre infirmière. Oui, eh bien, c'est mon infirmière. Il a qu'à s'en trouver une, hein, parce que, bon, Carole, elle vient de ses cacahuètes. Mais vous ne m'en aviez pas demandé. Eh bien, je vous en demande maintenant. Allez, hop, hop, hop, hop, hop, hop. Vincent, je crois que le docteur Botomy est totalement in the love. In the quoi? In the love. Avec son infirmière. In the love with his infirmary? Ah. But where is the conspiration? Where is she? And who is the doctor? Repeat after me. Who is the doctor? Who is the doctor? Yeah, this is good. Larynx? Larynx? Je suis ici, Vincent! Stop! N'approchez pas plus! Quelle drôle d'idée de rendez-vous. Je voulais un endroit discret, moi. Étrange. Vous ne savez pas que vous aviez un cinéma à Bitbourg? Autant que je m'en souvienne, on a toujours eu un cinéma à Bitbourg. Prenez le fauteuil juste derrière le mien. Diable, c'est une belle nuque que vous avez là. Vous êtes allé chez le coiffeur? Au coiffeur, Vincent, je suis allé au coiffeur, oui. Alors, que voulez-vous avoir? Eh bien, c'est étrange. Ouais, c'est étrange que tu fermes pas ta gueule, ouais. Ouais, on voudrait bien suivre le film, nous. Oh, la ferme! Alors, qu'est-ce que vous savez? Sûr? Ne faites pas l'imbécile, Larynx. Ah, ça, eh bien, c'est étrange, vous ne le trouvez pas? Oui, ça, je l'ai déjà dit, mais pourquoi vient-il à Bitbourg? Qu'a-t-il comme rapport avec Paolo Botomy? Paolo Botomy, le docteur! Mais dites-moi, Larynx, j'ai l'impression que vous n'avez aucune idée de ce que je peux bien dire. Oui, je comprends, ne vous inquiétez pas, je sais tout, je suis votre informateur secret, ne l'oubliez pas! Eh bien? Eh bien, il connaît Paolo Botomy. Oui, c'est apparemment un de ses amis, mais ce que je ne comprends pas, c'est qu'il est lui-même docteur. Pourquoi un docteur a rendez-vous avec un autre docteur? Quelque chose cloche. Peut-être vont-ils faire des expériences ensemble. Des expériences? C'est celui qui est à la mèche. Vous n'êtes pas loin, Vincent. Mais c'est ça, des expériences. Ils vont faire de Bitbourg un extraordinaire laboratoire scientifique. Oui, Vincent. Qu'arrive-t-il quand deux docteurs se rencontrent, à votre avis, Vincent? Eh bien, je ne sais pas. Ils se montrent leur scalpel pour savoir celui qui est le plus gros. Non. Ils cherchent des remèdes ou des virus. Un virus? Oui, c'est ça, un virus. Ils veulent créer un virus qui réanimera les morts de Bitbourg pour mettre la ville à feu et à sang. Oui. Oh merci, Larynx, je dois aller les empêcher de commettre ce crime. La ferme! Ouais, la ferme, là! Oh, ça va, hein? Je suis ici pour sauver Bitbourg. Va sauver Bitbourg chez toi! Je suis un incompris. Je suis un peu fauché, Vincent. J'ai resquillé pour rester dans la salle de cinéma. Vous pourriez pas me régler maintenant? Bien sûr, vous m'avez été encore une fois très utile. Je ne vous remercierai jamais assez, Larynx. Si vous me remerciez toujours en liquide, non, c'est vrai. Vous me remercierez jamais assez. Il m'en faudra toujours plus. Au fait, Larynx, je vais me présenter aux élections municipales de Bitbourg. Cela vous tenterait de faire partie de ma liste? Je dois rester dans l'anonymat, Vincent. Eh bien, je vous appellerai Larynx Géant. Personne ne vous connaît, de toute façon. Bon, eh bien, on est payé quand on fait partie d'une liste. Je crois, oui. Je ne sais pas comment on procède lorsqu'on fait partie d'une liste électorale. Si on est payé, je veux bien. Merci encore, Larynx. Si je deviens maire de Bitbourg, il n'y aura plus jamais de conspiration. En conséquence, à l'heure actuelle, je ne vois qu'une solution raisonnable. Laissez la police élucider ce mystère. Allô? Allô? Allô, oui, je suis triste. Comment vous appelez-vous? Et pourquoi êtes-vous triste? Je suis le surveillant Maton, et je suis triste parce qu'Alberto, ouais, mon ami, mon seul prisonnier, s'est évadé il y a plus d'une semaine. Oui, vous pensez qu'il vous a oublié? Je ne sais pas, il est toujours dans mon cœur, il me manque, vous savez. Oui, je vois, oui. Oui, encore, ah oui! Allô, mademoiselle? Ah oui, je la sens bien, ta grosse tristesse. Ah oui. Vous m'entendez? Oui, ah! le répondeur de monsieur le directeur de la prison. Je ne suis pas disponible pour le moment et Alberto, si jamais c'est toi qui appelles, je voudrais que tu reviennes. Tu me manques, Alberto, tu nous manques à tous. Laisse tes coordonnées pour qu'on te rappelle et... Alberto, je t'en prie! Allô, monsieur le directeur, c'est le survivant Maton. Je suis triste, moi aussi, vous savez, et j'espère que votre ange va mieux. Voilà, j'appelle pour vous dire que je vais aller dans la forêt, au cas où je trouverai Alberto. Je ne sais pas, j'espère. Monsieur le directeur, je vous embrasse, monsieur le directeur. J'étais parti faire mon golf de 6 heures. J'avais laissé Jennifer à l'hôpital et George Dumbo, mon soi-disant meilleur ami, à l'hôtel La Belle Étoile, le tout nouvel hôtel de Pittsburgh. Et à la fin de mon golf, un doute étrange m'a assailli. Autant que je m'en souviens à Pittsburgh, je n'avais jamais senti un aussi gros doute m'assaillir. Bienvenue dans les ascenseurs de Pittsburgh Palace. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer quoi ou qui que ce soit. Il est également interdit de fredonner des airs de Catherine Lara, Hervé Villard ou Jean Ferrat sous peine de mettre en danger les circuits électriques des ascenseurs Pittsburgh Palace. Attention, fermeture des portes. D'accord, d'accord. Oh mon Dieu, je vous en prie. Faites que Jennifer ne soit pas avec... dans le lit, nu avec... je n'ose pas y penser. Vous avez demandé le troisième étage. Nous arrivons au troisième étage. Les ascenseurs de Pittsburgh Palace vous souhaitent une bonne matinée. Matinée ? Mais nous sommes déjà en fin d'après-midi. Pardon, bonne fin d'après-midi. Pardon ? Qui a parlé ? Attention, éjection des passagers. Ça fait mal. Bon. Il fallait que je retrouve la chambre de George Dumbo. Et je l'ai trouvée. Et il n'était pas seul. Ah, docteur Bottomy! Non, attends, Paulo, je vais tout t'expliquer. Ah, mon Dieu, je n'arrive pas à y croire. Fou, Jennifer, cette espèce de... C'est pas ce que tu crois. Lâche ce club de golf, Paulo, tu vas faire une connerie. Faut chouiller au docteur? Non, non. Il regardait juste si j'avais des ganglions. En plus, oh non, j'avais confiance en vous, Jennifer. Ce n'est pas ce que tu crois, Paulo. Lâche ce club de golf. Je t'avais dit de te trouver une autre infirmière, George. Ne fais pas de bêtises, Paulo. Je suis le seul à connaître le remède de la maladie de Monsieur Dumbo. Si jamais je meurs, des tas de gens seront malades à jamais. Docteur Bottomy, non! Et là, je ne sais pas à quoi j'ai pensé. Peut-être à Bambi, au passage où la mère de Bambi est tuée par des chasseurs ou quelque chose comme cela. Quand j'ai ouvert les yeux, George Dumbo gisait par terre, mort, un club de golf planté dans l'oreille droite. Vous l'avez tué, docteur? Par jalousie pour moi? Oh, Jennifer, je ne supportais pas l'idée que vous puissiez jouer au docteur avec un autre que moi. Mais qu'allons-nous faire, Jennifer? Il faut laisser le génie faire. Quoi? Soyons ingénieux, docteur. Mais que faire pour être ingénieux? Oh là là, je réfléchis dans ma tête. Enterrons-le dans la forêt. Personne ne le connaît à Pittsburgh. Personne ne remarquera son absence. Comme c'est ingénieux, docteur Bottomy. Vous êtes beau quand vous êtes ingénieux comme ça. Mais docteur, est-ce qu'il y a quelqu'un à Pittsburgh qui est atteint de la maladie de Monsieur Dumbo? Autant qu'on s'en souvienne, Jennifer, personne à Pittsburgh n'a jamais été atteint de la maladie de Monsieur Dumbo. Vite, emmenons le corps dans la forêt. Carole ! Carole ! Ah, Vincent ! Pousse-toi, toi, c'est à Carole que je veux parler. Oh, t'es encore aimable, Vincent ! Ah, Vincent, qu'est-ce que je vous sers ? Plus tard. Ça vous dirait de vous occuper de mon bureau de vote et de faire partie de ma liste électorale ? Alors, finalement, c'était sérieux, ton idée ? Bah, pourquoi pas, on n'est pas au 08 45 65 23 58. Ouais. Mais te présenter aux élections ne te guérira pas de la maladie de Monsieur Dumbo, Vincent ! Ça suffit. Viens avec moi. Je dois empêcher deux docteurs fous de faire un virus qui détruirait Pittsburgh. Un quoi? Mais qu'est-ce que t'as pu manger, toi, ce midi? Des champignons hallucinogènes? Pelle? Elle est juste à côté de vous, docteur. Pioche? Mauvaise pioche. Pardon? Mais lâchez ces cartes, Jennifer. Nous ne sommes pas là pour jouer. J'ai tué un homme, vous vous souvenez? Oui, mais c'est parce que vous étiez jaloux. Vous vouliez me protéger, docteur. Un pont creusé. Mais c'est vous le docteur, docteur. Justement, je suis censé être un docteur, pas un jardinier. Je ne sais pas me servir d'une pelle, ni d'une pioche. Oh, docteur. Toute ma vie, j'ai souffert, Jennifer. Voilà. Voilà pourquoi j'ai toujours été célibataire. À chaque rendez-vous, l'angoisse me montait à la gorge, craignant le moment où je devais avouer mon incapacité à me servir d'une pelle ou d'une pioche. J'ai toujours préféré les scalpels, vous comprenez? Oh, docteur, et vos parents, comment leur avez-vous annoncé la nouvelle? Comment l'ont-ils pris? Mon père était ouvrier, vous savez, et ma mère mineure. Ce qui lui a valu d'aller en prison pour détournement lorsqu'il a commencé à danser le rock acrobatique avec elle. Pourquoi? Pour détournement de mineurs, justement. Lorsque je leur ai avoué que mes préférences se portaient sur le scalpel, ils ont... Oh, Jennifer, cessons de parler du passé. Vous avez fini? Oui, docteur. Oh, j'ai les mains calleuses maintenant. Ce soir, quand je serai seule, je vais avoir l'impression de coucher avec un routier. Aidez-moi à mettre le corps dans le trou. Alberto? Alberto, reviens, mon prisonnier des îles, tu me manques et... Oh mon Dieu! Un docteur et une infirmière qui jettent un gros tas dans un trou. Le kiwi d'Abdoul est effectivement hallucinogène. Pourtant, on me la fait pas, moi. Je vais rentrer boire un coup. Ça va être mieux. Oui, ça va être mieux. Voilà, le corps est enterré, Jennifer. Plus jamais nous ne parlerons de cela à Bitebourg. Oh oui, docteur. Autant qu'on s'en souvienne à Bitebourg, il n'y a jamais eu de meurtre. Oh, Jennifer? Oh, docteur. Ça vous tenterait une petite vasectomie ce soir? Oh, docteur Botomy. Comment ça, vous n'avez rien trouvé? Le docteur Paolo Botomy n'est pas à l'hôpital. Et l'autre là, le docteur Dumbo non plus. Peut-être qu'ils sont simplement à l'hôtel. Si tu veux vraiment, on peut aller voir. Ah non, hein, hors de question. Cet hôtel me fiche la frousse, les ascenseurs sont pas normaux. Bah, rien n'est jamais normal pour vous. La Vaubière. Ah, Carole. Merci de nous héberger depuis notre arrivée à Bitebourg. Sans vous, je ne sais pas à quel danger on aurait pu s'exposer. Dites, Carole, vous vous présentez sur la liste de Vincent? Oui, moi je trouve ça drôle, j'aime bien. J'ai l'impression d'être comme le 04-65-32-85-95. Carole, n'oublie pas Caroby sur BBFM dans quelques minutes. Ouais, Carole, toi t'es super drôle, mais Roby aussi, pas mal, alors on aimerait bien l'écouter. Oui, oui, vous inquiétez pas, je serai à la radio à ce moment-là. Ouais, merci Carole. Oh la vache, elle a un goût de chiotte, votre bière. Vincent. Quoi? Ton verre est là. Ce que tu tiens, c'est un pot de chambre. Oh non, je peux même plus laver des trucs tranquilles avec vous, hein. C'est pas normal. Mais c'est dégueulasse. Vous lavez les pots de chambre à votre comptoir? C'est immonde. Et les règles d'hygiène dans un bar, vous connaissez? Ici, on joue à la Big Bull ou au tarot. On connaît que ces jeux-là. Alors me faites pas chier avec vos jeux de citadins. Alors regardez, Kivla, c'est le surveillant Maton. Vous avez l'air bien pâle. Oui, c'est Abdoul qui m'a filé un truc pas très catholique. Oh, comme c'est peu orthodoxe. Oh, c'est bon. Vous allez pas protester, vous, hein? Enfin bref, j'ai vu un docteur et une infirmière enterrer un gros tas dans les bois. C'est bizarre comme hallucination. Moi, maintenant, je veux boire un coup. Très bien. Rebecca, tu penses que je pense? Quoi? Que Jean Roucas n'était pas un comique, mais un agent russe chargé de plonger la France dans une médiocrité humoristique? Non, je te parle de ce qu'a vu Maton. Le docteur et l'infirmière enterraient un gros tas. À ce que je sache, Vincent, ce n'est pas interdit de faire caca dans la forêt. C'est bizarre. Des fois, je comprends un mot sur deux, des fois, je comprends pas tout ce que tu peux dire. Bon, Carole, nous allons faire un tour dans la forêt. Je vous donne la charge d'organiser ma campagne pour les élections prochaines si jamais nous ne revenions pas. Vous reviendrez. Autant que je m'en souvienne, tous ceux qui sont partis dans la forêt sont toujours revenus. À part un groupe d'enfants dans les années 30, mais ça, c'est une autre histoire. Hé, c'est le l'heure de Roby. BBFM avec Roby, le meilleur animateur du centre du monde. Ouais pas, c'est Roby qui vous parle en direct de BBFM, qui s'entend de 88 FM à 104 FM, autant dire surtout la bande FM de Bitbourg. Et là maintenant, comme toujours, je suis sur le fil de l'information, tel le renard aguiché par l'ivresse de le nouveau. Je reçois monsieur le directeur. Bonjour Roby. On se retrouve après un petit peu de musique. Très bien Roby, Alberto, ce morceau t'est dédié. BBFM. En direct de BBFM, c'est toujours Roby qui vous parle, yes I. Et je suis en compagnie de monsieur le directeur du centre de détention, Jacqueline Bobillard. Bonjour Roby. Alors, suite à l'évasion d'Albert Hollard, je rappelle aux auditeurs qu'Albert Hollard était le seul détenu du centre de détention Jacqueline Bobillard. Suite à son évasion, qu'allez-vous faire pour qu'il revienne à Bitbourg et regagne sa cellule ? Eh bien, nous avons tout tenté. D'abord en appelant à son sens commun, en essayant de le raisonner, de le pousser à revenir de lui-même. Et malgré tout l'amour que nous lui portons, il ne bouge pas son cul. Alors nous avons décidé, monsieur le maire, monsieur son conseil et moi-même, d'organiser une battue. Une battue ? Vous voulez dire que vous allez battre quelqu'un ? Non, non, dans 2 jours, nous partirons à la recherche d'Alberto dans la forêt. Voilà, maintenant je suis triste, je vais rentrer chez moi pour pleurer dans les bras de ma femme. Yes, I, monsieur le directeur de la prison, je vous souhaite une bien agréable soirée. Monsieur David ? Oh, bonjour. Bonjour. Qui c'est ? Tu la connais ? Non. Je suis Jacqueline. Jacqueline Boubillara, la femme de ménage du centre de détention Jacqueline Boubillard. Ainsi nommée en l'hommage de la grande voleuse jamais arrêtée à ce jour. On m'a beaucoup parlé de vous, vous savez. Ah bon ? En bien, j'espère. Si vous saviez, vous êtes plus beau encore que je ne l'imaginais. Oh, merci, je ne sais que... Ouais, ben excusez-nous Jacqueline, on était en route pour la forêt là. On a des trucs à faire, Vincent. Tu sais, ta nouvelle petite conspiration. Ça peut attendre. Vous faites quelque chose ce soir, Jacqueline ? Non ! Ça peut pas attendre. Allez, tu me suis. Bon, eh bien, excusez-moi. Y a pas de quoi, Vincent. Vous permettez que je vous appelle Vincent ? Vous pouvez m'appeler comme vous voulez. N'importe quel nom irait avec votre si jolie bouche. Allez, viens, merde ! N'importe quel nom irait avec votre si jolie bouche, gna. T'as rien trouvé de mieux à dire, hein ? Mais, Rebecca, tu es jalouse ? Non. On va faire un tour en forêt, ça va nous détendre. Elle m'a l'air gentille, cette Jacqueline. Tout ce qu'il y a de plus honnête. Une fille simple, quoi. Elle triche pas. Alors comme ça, monsieur Vincent David, vous allez en forêt. Il va falloir que je retourne vite là-bas pour qu'il ne retrouve pas Alberto. Bientôt, monsieur David, bientôt, vous comprendrez ce que le mot conspiration veut dire. Rassure-moi, t'as emmené une carte ? J'ai toujours eu un super sens de l'orientation, alors... Bon, moi, j'ai pensé à emmener une carte parce que mon grand-père avait un super sens de l'orientation et il a réussi à se perdre dans son 3 pièces avant de mourir de faim. Il a jamais réussi à trouver la cuisine. Il est tard, la nuit est déjà tombée. On va dormir à la belle étoile, mais je te préviens, demain matin, je suis la première à prendre une douche une fois qu'on est arrivé chez Carole. J'ai peur la nuit dans la forêt avec des bêtes. Tu te pelotonneras contre moi, comme ça t'auras moins peur. On arrivera à rentrer, tu crois ? On verra demain, Vincent. Pour l'instant, on se repose. J'ai peur. Et Vincent a bien raison d'avoir peur. Pourquoi ? Vous le saurez la semaine prochaine en écoutant le prochain épisode de Aussi loin que s'en souviennent les... Pardon, ça m'a échappé. Non, ça va, c'est humain, et puis... Pardon. Ça n'est pas grave, c'est humain. Qu'arrivera-t-il à Rebecca et Vincent ? Vous le saurez la semaine prochaine dans le 9e épisode de Aussi loin que s'en souviennent les lilas. Thank you.